Lafayette. Comme chaque année, vous cherchez comment passer l'hiver avec style. Il est temps de lancer le casting pour la nouvelle star de votre dressing. Chic, c'est les 3J aux Galeries Lafayette. Profitez des plus belles pièces de la saison jusqu'à moins 50% en magasin et sur galerielafayette.com jusqu'au 1er novembre hors outlet. Voir modalités sur le site et en magasin. Galeries Lafayette, Galeries Lafayette. Sommes-nous des foules sentimentales ? Est-ce qu'on nous inflige des désirs qui nous affligent ? Peut-être est-on cette foule sentimentale avec soif d'idéal, attirée par des étoiles et des voiles et que des choses pas commerciales ? Mais qui diable est ce « on » ? La vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles. Chose pas commerciale, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris et vous avez fait paraître en 2017 un livre qui s'appelle Le danger sociologique. Et à la page 201 de ce livre, vous vous demandez « Mais qui diable est donc ce « on » dans la chanson « Foule sentimentale » ?» Vous dites « Sommes-nous vraiment des foules sentimentales qui seraient détournées de leur nature par les intentions malveillantes des producteurs d'images ?» Et vous continuez, c'est une thèse dont le simplisme est masqué par ses atours idéologiques flatteurs pour ceux qui croient que l'on ne pense le monde qu'avec profondeur, qu'à la condition de le penser de manière critique. Pourquoi vous servir de cette chanson de Souchon pour appuyer votre thèse ? Alors d'abord, nous nous en servons avec Étienne Gien. Vous avez co-écrit ce livre. Voilà, co-écrit ce livre. Je tiens à dire que j'aime beaucoup cette chanson. C'est une très belle chanson et j'aime beaucoup Alain Souchon par ailleurs. Je prends beaucoup de précautions. Lui qui a mis cette thèse. C'est tout à fait sincère. Par contre, justement, cette chanson, elle est très émouvante. Vous l'aurez remarqué quand on l'entend, pas seulement parce que la mélodie est très belle, mais aussi par les paroles. Mmh. Et effectivement, elle nous dit que nous méritons mieux que ça, grosso modo. Que nous ne sommes pas, finalement, ce que nous faisons. Les actes, nos actes d'achat, les traces que nous laissons dans le monde numérique, et donc que tout cela serait artefactuel. C'est en fait la dissimulation d'une thèse en philosophie qui est très ancienne, qui est finalement celle de l'homme dénaturé. C'est-à-dire l'homme aurait une capacité initiale, une essence en quelque sorte, et cette essence serait dénaturée par l'environnement. Alors selon l'époque dans laquelle on vit, on va dire que cet environnement, et aujourd'hui ça va être plutôt le capitalisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme, etc. Et je ne dis pas que tous ces systèmes de redistribution des richesses, mal redistribuées d'ailleurs il faut le dire, ne sont pas sans dommage pour la vie sociale, je ne discute pas de cela. En revanche, par exemple, puisque si on analyse la chanson de Souchon, est-ce que vraiment nous ne sommes que des foules sentimentales qui nous serions indifférents, par exemple, à l'accumulation, à la distinction des autres, par exemple, est-ce que ce n'est pas vrai que mon bonheur dépend pas tant de la somme que j'ai, mais le fait d'en avoir un peu plus que les autres. Vous voyez, ça c'est extrêmement cynique comme vision de l'homme. C'est une anthropologie non naïve et qui est malheureusement très attestée par toute une série de données expérimentales. Donc il y a quelque chose de très romantique dans cette chanson qui nous donne une impression de véracité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle parle à un élément de pureté que nous aurions en nous et que nous avons un peu en nous. Il y a du romantisme en nous. Mais fonder toute une théorie sur le fait qu'en réalité, les individus que nous sommes seraient dépossédés, dépouillés par leur environnement social et pervertis en quelque sorte. D'abord, il y a quelque chose d'un peu crypto-rousseauiste là-dedans, même si Rousseau lui-même pouvait prendre dans certaines pages beaucoup de distance avec ce genre de théorie. Mais ces néo-rousseauistes trouvent là des modes d'accusation qui se transforment bientôt en idéologie, évidemment. Contre l'administration, de l'économie, de la politique, et cela, ils ont bien le droit de le faire. Mais alors, à qui vous adressez-vous à l'aide de cette chanson de Souchon ? C'est ça la question, parce qu'au fond, vous l'avez bien dit, c'est pas à Souchon que vous en prenez. Donc, qui sont les teneurs de ceux qui défendent cette thèse selon laquelle, justement, on ne peut penser vraiment le monde qu'à condition de la penser de manière critique ? Eh bien, à ceux, par exemple, qui essayent de personnifier d'une façon ou d'une autre, et généralement par des entités politiques, ce « on ». Voilà, on nous afflige des désirs qui nous ment. Ouais. On nous inflige des désirs qui nous affligent. C'est-à-dire que quelqu'un, en fin de compte, disons, conspire à nous rendre idiots, par exemple. Or, ce que je constate, et beaucoup de données le montrent, et grâce à Internet, pour le coup, on commence à le savoir assez bien, lorsqu'on observe une dérégulation du marché de l'information, quel que soit le sujet, on voit que l'offre s'indexe sur la demande. C'est pas l'offre qui crée la demande à proprement parler, comme le défend un peu cette thèse de façon cryptique dans les lignes de Souchon. Hein. On nous inflige des désirs qui nous affligent, mais au contraire, la dérégulation du marché de l'information, elle crée une fluidité entre l'offre et la demande qui dévoile la nature de la demande, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on voit très saillant sur le marché toutes sortes de demandes qui auparavant étaient régulées. Je vais prendre un exemple, la demande par exemple de sexualité, tout simplement. Hein. Nous sommes homo sapiens, nous sommes des mammifères, nous sommes très intéressés par les images sexuelles. Mais pendant longtemps, la disponibilité de ces images sexuelles était largement régulée par des interdits religieux, sociaux, moraux, des normes, etc. etc. Depuis que cette dérégulation s'est fait jour, il y a une fluidification entre l'offre et la demande, et là, la vérité des prix tombe. Ce qui nous intéresse massivement, parmi toutes les vidéos disponibles dans le monde, on peut voir des vidéos avec des grands scientifiques, des prix Nobel, etc. Non, de très loin, ce qui nous intéresse, et dans tous les pays, y compris les pays religieux, ce sont les vidéos pornographiques. Eh bien, c'est un effet de dévoilement que ne permet pas de comprendre la théorie des foules sentimentales. Vous êtes, Gérald Brunner, je l'ai dit, professeur de sociologie à l'Université de Paris. C'est le dernier temps de notre série d'émissions autour de la pensée de Pierre Bourdieu. On se demande chaque jour si nous sommes tous les héritiers de Bourdieu. Quel est votre rapport à Pierre Bourdieu? Mon rapport est certainement pas celui d'être un héritier, vous l'aurez compris. Cependant, mon rapport aujourd'hui est plutôt de tenter un dialogue avec un dialogue épistémologique avec ceux qui se réclament de la pensée de Pierre Bourdieu, puisqu'avec Pierre Bourdieu c'est plus possible, quoique je l'ai beaucoup lu. Je suis très impressionné, je dois dire, par certains passages de Pierre Bourdieu, certains textes. Je pense que la distinction, indépendamment des critiques qu'on peut faire sur le recueil des données, enfin je vais même pas rentrer dans cette idée. Je trouve qu'il a produit des modèles qui sont des modèles fondés en fait sur l'utilitarisme. J'y reviendrai. C'est un élément de la critique que je pourrais adresser, mais qui sont extrêmement efficaces, descriptifs et qui révèlent en effet des choses que d'autres n'avaient pas vues. Je pense au capital symbolique, par exemple, des choses qui sont extrêmement vraies, une course à l'échalote, une course poursuite entre certaines catégories sociales qui envient les autres, qui essayent de les mimer en général. Et effectivement, ça décrit bien une forme de dynamique. Donc je ne suis pas du tout en opposition, je dirais, frontale à tout ce que Pierre Bourdieu a proposé. Et d'ailleurs, je pense que sur certains points, il y a évidemment une réconciliation possible, notamment dans le grand débat qu'il a opposé Bourdieu et Raymond Boudon, qui est un des auteurs dont je m'inspire beaucoup, qui était en quelque sorte un de mes maîtres, même s'il n'a jamais dirigé ma thèse ou mon HDR. J'ai vraiment un rapport livresque avec lui. J'ai eu la chance de bien le connaître ensuite, sur la fin de sa vie, mais je n'ai pas été son élève à proprement parler. Eh bien, quand je relis leur texte sur la question de l'inégalité des chances, c'est-à-dire la raison de savoir pourquoi, lorsque l'on vient d'une classe, on va dire, populaire, quand on est fils d'ouvrier, on a moins de chances de réussite que quand on est fils de médecin, ce qui est un fait qui est effectivement dramatiquement vrai, hein, et encore très vrai aujourd'hui. D'ailleurs, la France est un des pays les plus inégalitaires du point de vue de son système scolaire. Donc, il est normal que les sociologues non seulement se préoccupent de cela, mais en prennent cela comme un objet énigmatique à résoudre, parce que ce n'est pas la promesse finalement que nous fait la République. Hein. La promesse de la République, c'est la méritocratie, et on voit bien qu'il y a une inégalité des chances, pour reprendre le terme de Boudon. Et en regardant leurs deux modèles, l'un évidemment insiste particulièrement, on va dire, le côté Boudon passeront sur le capital culturel originel. C'est vrai que quand on vient d'une catégorie, on va dire, modeste, on n'a pas accès de la même façon aux livres, à la culture, aux ressources informationnelles. On n'a pas non plus accès aux informations pour bien s'orienter, pour jouer avec la cartographie scolaire. Ça, Dubé l'a bien montré, par exemple. Et Raymond Boudon, quand vous le relisez, ne nie pas du tout ça. Raymond Boudon y ajoute simplement, en fait, il propose un supplément d'explication qu'il croit plus efficace, c'est là la controverse, n'est-ce pas, et qui incite à analyser la motivation et, je dirais, l'ambition différenciée dans les catégories sociales. En d'autres termes, si vous êtes fils de médecin et que vous avez le baccalauréat, eh bien, ce n'est pas un événement dans votre famille, n'est-ce pas, c'est normal. Et par contre, quand vous avez le baccalauréat et que moi je viens plus d'une catégorie, on va dire, très modeste, ma mère était femme de ménage. Quand j'ai eu le baccalauréat, si ma mère avait pu lancer un feu d'artifice, elle l'aurait fait. Je veux dire, c'était un événement, véritablement. Et donc, on voit bien qu'en effet, l'ambition peut être différenciée. Il le montre statistiquement. statistiquement, Boudon entre parenthèses, oui, avec ceux qui, par exemple, sont en échec scolaire. Eh bien, dans les deux cas, quand ce sont des enfants des classes populaires en échec scolaire, on a tendance à leur dire, bah, vaut mieux que tu arrêtes. Tandis que quand c'est un enfant de médecin, on l'incite à continuer. De sorte qu'évidemment, il y a un impact statistique à tout cela. Mais moi, ce que je crois, c'est que les deux modèles sont parfaitement compatibles. Il y en a un qui relève de ce qu'on appelle le régime de la causalité efficiente, hein, pour parler un peu comme Aristote, dans la métaphysique, hein, c'est-à-dire une causalité qui serait un peu externe et antérieure. Donc, en effet, c'est le capital culturel dont on a hérité par socialisation. Et aussi, on peut y adjoindre, pour avoir un modèle plus complet, plus complexe et qui soit pas monocausal, bien les intentions visées par les acteurs, donc par exemple les ambitions différenciées, et qu'on va appeler des causalités d'ordre téléonomique pour se rapprocher encore d'Aristote ou des causalités finales. Dans le fond, si on relit bien Weber, et votre invitée Gisèle Sapiro avait parfaitement raison sur ce point au moins, mardi dernier. Oui. Absolument. Il n'y a pas du tout d'opposition entre compréhension et explication. Oui, alors, mais on va revenir là-dessus, puis on va essayer de bien comprendre ce qui distingue l'approche de Pierre Bourdieu, la sociologie telle que l'a pratiquée Pierre Bourdieu, la sociologie telle que l'a pratiquée Boudon, justement, parce que c'est quand même aussi l'enjeu de cette émission. Mais avant cela, le livre que vous avez coécrit avec Étienne Géhin, Le danger sociologique, a eu beaucoup de retentissements, vous a fait beaucoup de reproches après la publication de ce livre, des choses sur le fond, des choses sur la méthode. On sent qu'il y a la difficulté peut-être de critiquer un certain acquis. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est le fait même d'oser critiquer la sociologie de Bourdieu qui pose problème aujourd'hui ? Ben, je le crois, vu les réactions que cela... Mais comment vous l'expliquez, ça ? Je l'explique par la contamination d'un certain nombre de gens qui se réclament de Bourdieu, mais pas que de Bourdieu, il n'y a pas que des Bourdieusiens dans le tas, et pas tous en l'occurrence, il y a des Bourdieusiens avec qui... En l'occurrence, mon plus proche collaborateur, c'est un Bourdieusien. Je travaille avec Laurent Cordonnier, qui lui se sent Bourdieusien, donc je n'ai aucun problème avec ça. Mais effectivement, il y a une forme d'asymétrie, je dirais, de tolérance épistémique. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème quand il m'a écrit, je le connaissais pas, ou à peine, je l'avais rencontré une fois, quand il m'a écrit pour faire un post-doc avec moi, j'étais tout à fait ravi de l'accueillir. Je me suis dit, on va voir, ça va être intéressant. Et ça l'a été, franchement. D'ailleurs, on publie ensemble des papiers. Donc, je vais jusqu'à signer des papiers avec lui et j'en suis très fier. Mais par contre, effectivement, la réciproque n'est pas vraie. La réciproque n'est pas vraie, j'ai l'impression. Et cette fureur idéologique que j'ai vue, y compris de collègues en place, là c'est un peu inquiétant. Fureur idéologique. Fureur idéologique sur les réseaux sociaux, dans certains textes, de collègues qui manifestement n'avaient pas lu le livre. Je dis pas qu'aucun ne l'a lu, c'est certainement pas. Il y en a qui ont fait des critiques très approfondies du livre, certains avec lesquels je suis d'accord, d'autres pas du tout. Mais peu importe. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que la réaction de beaucoup de collègues, y compris quelquefois dans le journal, je pense à Bernard Lahire par exemple dans Le Monde, au moment où il répond, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, qu'il n'a lu que des interviews. Qu'il n'a pas lu le texte, parce qu'il y a un certain nombre de déclarations qui sont complètement à côté de la plaque, et ou des collègues qui déclarent, qui sont directeurs chez CNRS, qui déclarent, ce sont des gens qui n'ont jamais fait de recherche, des choses comme ça, ce qui est tout à fait faux. Et là, vous pensez que c'est parce que vous osez critiquer Bourdieu, ou c'est parce que c'est votre manière de fonctionner? Enfin, comment, c'est étonnant que de personnes aussi différentes aient de telles réactions. C'est-à-dire, d'abord, le titre était un peu provocateur, le danger sociologique, ça, je veux bien en assumer une part de responsabilité, mais en fait, je crois très vrai, puisque moi, je pense que la sociologie est en danger d'elle-même, c'est ça que raconte le livre. Un autre procès qui était fait très intéressant, complètement à côté de la plaque, c'est le fait qu'on n'ait pas fait de sociologie de la sociologie. C'est un livre, en fait, si vous le lisez, c'est un livre d'épistémologie. C'est un exercice classique. Pourquoi tous les autres sociologues auraient le droit de faire des livres d'épistémologie et pourquoi Étienne Géhin et moi n'aurions pas le droit? Enfin, je veux dire. Alors, les mêmes disaient oui, de toute façon, ils n'ont rien inventé, c'est les mêmes arguments qu'on a toujours entendu. Mais alors, pourquoi vous vous énervez autant? Si ce sont les mêmes arguments, s'il n'y a rien de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de si grave à ce moment-là? C'est un livre qui aurait dû passer totalement inaperçu. En réalité, la fureur idéologique qu'on a vu poindre chez certains, c'est quand même une minorité. Là, moi, j'ai reçu beaucoup de mails de collègues qui m'ont félicité pour ce livre. Mais malheureusement, les soutiens se font en privé, alors que les attaques se font en public. Donc, elles ont une grande visibilité. C'était quelquefois des doctorants de sociologie, enfin c'est des tweetologues, moi je les appelle, parce qu'ils ont beaucoup d'activités sur Twitter, moins dans la publication scientifique. Et donc, on nous reprochait de ne pas avoir fait l'analyse quantitative des sociologues qui auraient telle obédience, telle sensibilité, etc. Mais effectivement, c'était pas du tout notre ambition. Notre ambition était de styliser un certain nombre d'arguments, de voir quel type de conclusion, quel type de pente dangereuse cela pouvait faire prendre, dans certains cas, à certains sociologues, y compris le plus brillant d'entre eux, Pierre Bourdieu lui-même. Dans certains passages de ses textes, il y a des dérapages un peu incontrôlés, mais je ne lui ferai même pas ce procès, en réalité. Il mérite bien mieux que ça, et on l'écrit d'ailleurs noir sur blanc dans le livre. Et ce n'était pas plus que cela. Et une façon aussi, puisque, en l'occurrence, dans le texte, ça n'aura échappé à personne, ou si ça aura beaucoup échappé, par exemple, nous défendons la notion d'habitus. Oui. C'est-à-dire que nous nous proposons une analyse de l'habitus qui permet à l'habitus de sortir de sa critique de circularité qu'on lui adresse souvent, n'est-ce pas? Et ça, je l'avais fait dans un article dans la Revue française de sociologie qui s'appelait « Cerveau et socialisation ». Alors c'est très intéressant parce que je ne dis pas autre chose dans le livre, hein, j'en ai repris des passages, je les ai un peu améliorés parce que la littérature, notamment neuroscientifique, a progressé depuis. Mais à l'époque, un article dans la Revue française sociologie, qui est la revue la plus saillante pour les sociologues francophones, il n'y a eu aucun commentaire. Voilà. Et là je dis la même chose, et il y a une fureur idéologique. Donc, vous voyez bien, si ça montre au moins quelque chose, c'est qu'il n'y a pas une prédictibilité. Vous mettez la même cause, vous n'obtenez pas le même effet. Hein. C'est une mise en abîme, d'ailleurs, de la discussion qu'on peut avoir sur les modèles déterministes. Tout à fait, sur la dimension scientifique, justement, de l'approche sociologique, Bourdieu lui-même s'était exprimé sur la question. Vous parlez de fureur idéologique, le terme est très très fort, mais si vous parlez d'idéologie, ça veut dire qu'au fond, il y a quelque chose de quasiment politique qui supplante la démarche sociologique, c'est ça? D'ailleurs, c'est le procès qu'on vous fait. On vous dit, mais vous êtes plutôt du côté de la liberté que du déterminisme pour faire très vite, donc vous êtes de droite, alors que les sociologues eux-mêmes qui vous font ces remarques-là seraient plutôt de gauche. Alors d'abord, je caricature à peine. C'est très intéressant parce que j'ai entendu effectivement, j'ai découvert souvent que j'étais de droite en lisant des quelques lignes ici ou là. D'abord, c'est une incompréhension totale. Je ne serais pas pour la liberté. Bon, bien sûr, je suis en tant que citoyen, la liberté, l'égalité, la fraternité sont des valeurs qui me parlent. Par contre, en tant que scientifique, la liberté ne veut rien dire pour moi. C'est-à-dire, c'est un concept métaphysique. Le libre arbitre, etc. On n'utilise pas ce terme, sauf dans l'introduction, parce qu'on n'a pas encore pu s'en expliquer, mais à l'intérieur du texte, on fait de très longs développements pour rappeler simplement qu'il y a des instances d'arbitrage qui sont très bien physiologiquement identifiées. On n'est pas dans des instances, dans des entités métaphysiques. Et ça, c'est très important, parce que beaucoup d'entre eux, je pense à Bernard Lahire, par exemple, qui a une œuvre que je trouve intéressante, et lui, il insiste beaucoup sur la multidétermination. C'est sa façon de critiquer Bourdieu à lui. Il dit en fait, oui, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose comme Bourdieu de trop monocausal. En réalité, nous traversons des mondes sociaux et nous sommes des êtres hétéronomes, finalement traversés de tas de flux. Donc, nous sommes multidéterminés. Nous sommes encore plus déterminés. Il le dit dans un certain nombre de textes, notamment dans les replis, je crois que ça s'appelle les replis du social, que j'ai beaucoup attentivement lu pour ce livre. Et en réalité, il ne s'aperçoit pas, c'est ça qui est tout à fait étonnant, que l'idée d'une multidétermination implique mécaniquement des instances d'arbitrage. Car si vous êtes multidéterminé, tous ceux qui connaissent l'âne de Buridan savent que... Donc c'est l'âne qui ne sait pas décider entre aller à gauche pour manger ou aller à droite pour boire, exactement. Et du coup meurt de faim et de soif. Voilà, donc ça c'est un modèle, on va dire, c'est un exercice de pensée. Mais il est évident que si vous êtes multidéterminé sans avoir d'instance d'arbitrage, vous ne pouvez pas agir tout simplement. Et donc notre espèce aurait été largement éliminée. C'est parce que nous sommes multidéterminés qu'il existe des instances d'arbitrage. Et c'est peut-être... à cause de cela qu'on doit réfléchir au modèle, non pas ontologique, savoir si on est libre ou pas libre. Moi, je pense qu'on est tous faits d'atomes, hein, donc dans le fond, il doit y avoir une détermination, je suis plutôt physicaliste. Mais ça, c'est d'un point de vue ontologique, et je crois, je ne sais pas. Par contre, d'un point de vue gnoséologique, c'est-à-dire méthodologique, quels sont les modèles qui sont les plus efficaces pour ne pas perdre une trop grande part de la vie sociale ? Et on reviendra sur les méthodes de Bourdieu, qui sont des méthodes en fait d'analyse en fait corrélationnelles, tout simplement, qui sont extrêmement utiles descriptivement. Mais nous prétendons, nous qui faisons de la sociologie compréhensive, qu'en faisant cela, il faut le faire, mais on perd une bonne part de la réalité sociale. Alors on va essayer de comprendre tout ça d'un point de vue méthodologique. Je vous propose d'écouter la voix de Raymond Boudon. C'est une archive du 29 mai 2003. Ce qui me gêne chez Bourdieu, c'est que les individus n'existent pas. Il y a des zombies dominants, des zombies dominés qui ne savent pas qu'ils sont dominés, des zombies dominants qui ne savent pas qu'ils sont dominants, et seul le sociologue, par on ne sait quelle inspiration souveraine ou divine, est capable de décortiquer. Je crois que la véritable sociologie consiste à essayer de retrouver les gens tels qu'ils sont, essayer de retrouver le pourquoi de leur comportement, c'est d'expliquer ce qu'on comprend pas. Et il y a toutes sortes de gens qui consacrent leur vie à ça, mais ce ne sont pas forcément les plus visibles, parce que ce qu'ils écrivent est plus difficile, et parce que ça correspond moins directement à une demande de la part des médias ou d'un public général. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Sommes-nous tous les héritiers de Bourdieu? C'est la question qu'on se pose cette semaine, aujourd'hui, en compagnie du sociologue Gérald Bronner. On va essayer de bien préciser quels sont les termes du débat. Gérald Bronner, c'est des termes parfois techniques, sociologiques, méthodologiques. Vous venez d'entendre la voix de Raymond Boudon, qui est le chef de file de ce qu'on peut appeler l'individualisme méthodologique, qui s'opposerait à la sociologie critique, par exemple de Pierre Bourdieu. On va définir ces termes-là. Est-ce qu'une bonne manière de commencer à esquisser cette distinction, c'est de reprendre ce que dit Raymond Boudon? Le problème pour lui chez Bourdieu, c'est que l'individu n'existe pas. Oui, les individus chez Bourdieu sont extrêmement stylisés, mais surtout ils sont attrapés en quelque sorte dans leur description par leur volonté d'acquérir des utilités, comme on dirait en économie, c'est-à-dire des capitaux. Et donc les modèles d'ailleurs qu'il utilise, que moi je trouve très très intéressant et très descriptif, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le fait qu'on cherche à pratiquer tel type de sport quand on a une classe populaire, on pratique en moyenne ce sport, mais on rêve d'en pratiquer un autre pour ressembler à la catégorie. Tout ça est très vrai, on ne peut pas nier que ça soit vrai. Le problème, c'est que Raymond Boudon a raison, je crois, mais je préciserai plutôt que les individus, je préciserai que ce qui n'existe jamais chez Bourdieu, c'est la cognition humaine, c'est-à-dire effectivement qui est portée par des individus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, et donc on n'analyse jamais le contenu des objets cognitifs, leur qualité intrinsèque. Par exemple, on va aimer Johnny Hallyday, pour reprendre l'exemple que vous avez donné dans l'émission mardi, on va aimer Johnny Hallyday en moyenne statistiquement plutôt quand on est dans cette catégorie sociale et peut-être Mozart dans tel autre. C'est tout à fait vrai. C'est, d'ailleurs, Boudon n'aurait jamais nié ce fait, son effet statistique. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de socio-sceptique, hein, ici, nous sommes tous d'accord avec ces faits. Mais d'un autre côté, cela voudrait dire qu'en réalité, les seules raisons apparentes dans l'explication sociologique de la diffusion d'un produit culturel, ce seraient ces variables socio-économiques ou ces variables culturelles. Jamais les qualités intrinsèques d'un produit. Pourquoi diable alors, quand il y a 1000 propositions de culture populaire, celle-ci l'emporte plutôt qu'une autre? Pourquoi Souchon, par exemple, qui est un chanteur populaire, a plus de succès qu'un autre? Et alors, sur le goût, c'est un peu difficile, mais quand on prend les autres catégories, sur le bien et le mal, sur le vrai et le faux, vous voyez le danger? C'est de dire que, dans le fond, tous les produits cognitifs qui se diffusent, s'ils ne se diffusent qu'en raison de variables sociales, culturelles, s'ils sont forts. Par exemple, si on observe beaucoup de conspirationnisme, en l'occurrence, chez les classes les plus populaires, notamment conspirationnisme politique, et chez ceux qui ont un niveau d'études plus faible que leur moyenne nationale, ça c'est les données qu'on trouve à peu près au niveau mondial sur cette question, eh bien, si l'explication s'arrête là, on se dispense de voir pourquoi ces théories du complot sont en même temps très convaincantes. Vous voyez ? Et d'une certaine façon, le danger, y compris politique, à cela, c'est qu'on va assigner aux classes populaires l'irrationalité des propositions des théories du complot. C'est pas du tout comme ça que je travaille. J'analyse évidemment avec mes collègues les variables sociales impliquées, mais j'analyse aussi les invariants mentaux. Et c'est quoi ces invariants mentaux, justement? Mais par exemple, il y a des propositions qui sont plus convaincantes que d'autres, comme dans les théories du complot, elles sont souvent traversées, elles s'inaugurent souvent par l'hypothèse du cui prodest. À qui profite le crime, n'est-ce pas? À qui profite le crime? Et cette hypothèse à qui profite le crime incite bientôt à imaginer que le groupe ou l'individu qui profite d'une situation, c'est celui aussi qui l'a créé d'une certaine façon. Soit intentionnellement, soit, alors là, ça devient mystérieux par un effet de système, de structure, et on a pu évidemment de modèles causaux qui soient très très intéressants. À ce titre, si vous me le permettez, je voudrais vous lire un extrait de quelqu'un qui se réclame de Bourdieu, qui s'appelle Chantal Jacquet et que je suis en train de lire en ce moment. C'est pour ça que je... spinoziste d'ailleurs, qui est souvent venu à ce micro. Ah oui, alors il y a évidemment écrit sur les transclasses. C'est pas très étonnant, effectivement, entre Spinoza et Bourdieu, il y a une filiation intellectuelle. Hein, nous croyons libres dans l'ignorance des causes qui nous déterminent. Tout à fait. Elle écrit effectivement un bouquin sur les transclasses que je trouve intéressant et je vous en livre un petit passage pour voyez le problème. Que ça pose. Le mérite, dit-elle, est une pure construction politique. C'est un instrument de gouvernement destiné à renforcer, donc on voit le fonctionnalisme du passage, destiné à renforcer l'obéissance à l'ordre social par un système de valorisation ou de réprobation des comportements. L'État a tout intérêt pour maintenir l'ordre établi et tuer dans l'œuf les velléités de révolte comme l'injustice sociale a proclamé méritant ceux qui franchissent les barrières de classe contre toute attente et à en renvoyer les autres et à leur inertie consubstantielle leur paraissent coupables en leur imputant l'entière responsabilité de leur sort. Donc en fait, ce qu'elle dit grosso modo, c'est que le principe de mérite sert bien l'État, hein, donc il profite à l'État, dont on est vraiment dans le cui prodest, et dont, dans le fond, elle en fait un lien d'explication de l'émergence de ce principe. Sachant que l'État, pour Bourdieu, on l'a vu hier, n'est rien sans les acteurs qui en sont les porte-parole et qui le font en retour. Il n'y a pas une essence d'État abstraite. Absolument, et heureusement, sinon là on est effectivement dans des entités parfaitement métaphysiques. Alors le problème, c'est que le mérite, c'est une valeur transgénérationnelle. Je veux dire, le mérite n'a pas été inventé par notre génération. C'est une valeur qui a même une charge universelle. Alors, en disant cela, non seulement déjà, on tend le flanc à l'explication cui bono, cui prodest, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien comment ça se produit exactement. Mais par ailleurs, on oublie simplement que la morale du mérite, elle a des qualités intrinsèques qui arrivent à convaincre les individus. J'en veux pour preuve des expérimentations qui sont très célèbres autour de ce qu'on appelle le jeu de l'ultimatum. Qu'est-ce que c'est le jeu de l'ultimatum ? Je vais être très bref. C'est le fait de partager un bien, par exemple un gâteau. Supposons que vous partagiez avec moi un gâteau et vous avez ce pouvoir de prendre une partie du gâteau qui vous convient. Par exemple, 99% du gâteau, si vous voulez. Et moi, il me reste 1%. Mais le pouvoir que moi j'ai en décidant en deuxième, c'est d'annuler cela. Si j'annule ça, eh bien vous n'aurez rien et moi non plus j'aurai rien. Dans la théorie économique standard, normalement, je devrais préférer 1% du gâteau plutôt que rien. D'accord ? Mais dans la vraie vie, c'est pas du tout ce qui se passe. Ça ne se passe nulle part, quelles que soient les cultures, quand on teste, quelles que soient les variables sociales qu'on teste, la plupart des gens refusent ce qu'on appelle l'équilibre du sous-jeu parfait. C'est-à-dire qu'ils acceptent une séparation du gâteau de l'ordre de 60%, 70% à 40, 30%. Pas au-delà. Pourquoi ? Parce que sinon, ça viole tout simplement une valeur morale. Et cette violation de la valeur morale n'est pas compensée par le gain de gâteau. Cette violation de la valeur morale, quelle est-elle ? C'est celle un peu de la méritocratie. C'est-à-dire que parce que vous choisissez en premier, rien ne justifie que vous preniez 99% du gâteau. Par contre, dans un autre contexte, si on avait dit, vous avez fait le gâteau, vous avez acheté les ingrédients, vous faites le gâteau et vous m'en donnez 1% du gâteau, ben probablement que je l'accepterai. Et donc, en fait, ce jeu de l'ultimatum et le refus de l'équilibre du sous-jeu parfait montrent qu'il y a une forme d'invariant. Voilà, mais c'est ça que j'essaie de comprendre. Ouais. Et donc, il y a une qualité intrinsèque. Mais dans c'est, le qu'est-ce que c'est cette qualité intrinsèque, cet invariant? Parce que, est-ce que ce que vous dites par là, est-ce que c'est le fait de postuler l'existence de quelque chose qui échapperait à l'analyse sociologique? On a vu cette semaine que Bourdieu tentait de dénaturaliser l'état, par exemple, le goût que les choses ne sont pas forcément innées, qu'il n'y a pas une essence même des choses, mais qu'on peut les saisir à travers une méthode sociologique. Est-ce que vous dites, non, il y a quelque chose qui n'est pas entièrement réductible par cette méthode sociologique ? Oui, absolument. D'abord, dénaturaliser, c'est absolument bien de montrer qu'il y a des variables sociales qui sont impliquées dans des phénomènes qu'on croyait intuitivement seulement naturels. Ça, c'est le travail de la sociologie, c'est tout à fait normal. Le danger, c'est de devenir monocausaliste et de vouloir dénaturaliser au point d'oublier qu'il y a aussi une nature, qu'il y a aussi des invariants biologiques, par exemple. Ce que je veux dire simplement, c'est que effectivement, la méthode, on le voit bien avec l'extrait que j'ai lu, la méthode bourdieusienne qui consiste donc dans des analyses corrélationnelles, c'est-à-dire à faire parler des variables sociales entre elles, c'est la vieille maxime de Durkheim, on explique le social par d'autres variables sociales, et quand on fait cela, les variables sociales par d'autres variables sociales, on saute à saut de mouton au-dessus de la cognition humaine, c'est-à-dire les caractéristiques, les arguments, les valeurs, les raisons, comme aurait dit Raymond Boudon, ou comme aurait pu dire d'ailleurs Weber, les raisons qui font qu'on va endosser telle ou telle... Donc il n'y a pas que des causes, il y a des raisons, c'est ça que vous dites. Je propose un régime mixte de causalité, je l'ai dit en introduction, fait de causalité efficiente et de causalité finale. C'était la définition d'ailleurs de Weber de la sociologie, c'est comprendre par interprétation les fins subjectivement visées des acteurs. C'est ça, donc c'est pas que des comportements, il y a des conduites. Oui. C'est ça, agir selon la raison et pas simplement mu par une cause qui nous échappe, mais aussi en vue de quelque chose. Les deux sont vrais. Si on regarde la vie sociale avec un peu de richesse et sans trop d'idéologie, on voit bien que les deux sont vrais. D'ailleurs, à ce titre, on a parlé de Weber dans une de vos émissions, et Madame Sapiro a fait une remarque, j'ai dit tout à l'heure que j'étais d'accord avec elle, et là je vais dire que je suis un peu en désaccord avec elle. Elle a dit, chez Weber, je ne vois pas les individus. Elle a cité notamment l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Elle a dit, d'ailleurs, voyez bien, ça commence par une analyse corrélationnelle, et c'est vrai, il y a plus de protestants chez les banquiers, etc. D'ailleurs, avec des chiffres qui ont été remis en question, mais peu importe. Sauf qu'il n'y a pas que l'introduction du livre, c'est-à-dire il y a un livre après. Et qu'est-ce que dit Weber dans ce livre ? Eh bien, il analyse les qualités intrinsèque de la proposition théologique du protestantisme en concurrence avec le catholicisme. Il montre pourquoi, par exemple, la question des indulgences a créé un tort terrible, cognitivement parlant, c'est-à-dire en termes inférentiels, en termes de raisonnement. Il montre la puissance argumentative du protestantisme, et dans une deuxième partie, il montre aussi les conclusions radicales, logiques, qui allaient aboutir de ce protestantisme, c'est-à-dire une forme de misère métaphysique qui n'a pu être compensée que par des inventions, comme la certitudo salutis, par exemple, dont on sait qu'ensuite, elle a pu s'incarner dans des motivations, d'après Weber en tout cas, à investir, ce qui expliquerait un lien intime entre protestantisme et capitalisme, pour refaire sa thèse rapidement. Mais voyez bien que l'analyse de Weber, elle passe par l'analyse des objets cognitifs. Elle ne passe pas seulement par une mise en regard de deux variables qui seraient protestantisme et les banquiers. Ce que disait Gisèle Sapiro, c'est que Bourdieu n'était pas simplement vraiment du côté de la sociologie déterministe, qu'il avait beaucoup lu Weber et que c'est plutôt une synthèse de Durkheim et de Weber. Oui, alors cela je le contesterai, c'est-à-dire que c'est vrai que Bourdieu a importé un certain nombre de notions chez Weber, c'est un lecteur de Weber, je conteste pas du tout. En revanche, il ne tire pas du tout la sève épistémologique des principes de Weber. Cette sève, elle est pas, c'est pas la peine de l'inventer, elle existe dans 4 livres qui ont été traduits en France, qui s'appellent Les Essais sur la théorie de la science. Pour quiconque lit ce livre, qui est un livre robuste, hein, je conseille beaucoup à mes étudiants, mais pas en première année de le lire, je leur dis que ça va leur faire gagner des années de vie intellectuelle, épistémologiquement. Oui. C'est un accélérateur intellectuel, ces 4 essais. Faut savoir que ces 4 essais, d'après son biographe, d'après Kobe, le dernier biographe de Weber, ce sont les essais qui l'ont guéri. Vous savez que Weber avait une maladie nerveuse très très grave, on le voit notamment dans ses échanges épistolaires, c'était vraiment terrible, il ne pouvait quasiment plus rien faire. Et après un voyage à Rome et un certain nombre d'anecdotes, il écrit ces 4 articles que sont les Essais sur la théorie de la science, et tout à coup il clarifie sa position épistémologique. Sa position épistémologique, c'est une défense d'un nominalisme, hein, ne pas multiplier les entités conceptuelles sans nécessité, et probablement un régime mixte, je crois, et j'espère ne pas trop le tirer vers le... On va l'écouter, si vous voulez, on va écouter un extrait. Absolument. Des Essais sur la théorie de la science, dans lequel Weber dit pourquoi il est en faveur d'une certaine neutralité axiologique, à savoir il ne faut pas plaquer une certaine morale, un jugement de valeur sur les faits que nous examinons en tant que sociologue. Voici le texte, celui-ci est audible, je crois, il est lu par Hélène Losseur. Nous serons inévitablement amenés à donner la parole à la politique sociale, qui s'occupe de présenter les idéaux, à côté de la science sociale, qui s'occupe de l'ordre rationnel des faits. Toutefois, il ne nous viendrait pas à l'idée de faire passer pour de la science des discussions de ce genre. Et de toutes nos forces, nous nous garderons bien de donner dans une pareille confusion ou méprise. En effet, en ce cas, ce n'est plus la science qui parle. Aussi, le deuxième commandement fondamental de l'impartialité scientifique est-il celui-ci. Il importe à tout moment d'indiquer clairement, et répétons-le avant tout à soi-même, où et quand cesse la recherche réfléchie du savant, et où et quand l'homme de volonté se met à parler. Bref, d'indiquer à quel moment les arguments s'adressent à l'entendement, et quand au sentiment. La confusion permanente entre discussion scientifique des faits et raisonnement axiologique est une des particularités les plus fréquentes et les plus néfastes dans les travaux de notre spécialité. C'est uniquement contre cette confusion que sont dirigées nos remarques, et non contre l'engagement en faveur d'un idéal personnel. Un des grands malentendus entre, par exemple, moi-même, enfin, et ce que j'essaie de faire, et beaucoup de mes contemporains, des gens de ma génération, bon, qui croient reconnaître dans le travail que fait la sociologie ce qui se pratiquait sous le nom de science au temps du stalinisme. Bon, et en particulier cette coupure science et idéologie que je n'ai jamais reprise à mon compte, que je conteste radicalement, qui est une coupure mystique, enfin, qui a été reprise, que c'est pas par hasard, par des philosophes, et jamais par des scientifiques. Les praticiens. Par les praticiens de la recherche. Bon, cette coupure était évidemment, avait une fonction tout à fait analogue à celle qu'on trouve dans les discours religieux et prophétiques. Enfin, elle permettait de séparer le sacré et le profane, c'est-à-dire les sacrés et les profanes. C'est-à-dire le prophète sacré et les profanes. Bon, ça, je trouve ça détestable. Alors, bon, je pense qu'on est fondé à parler de science, même si notre science est incoative, débutante, balbutiante, etc. Il y a malgré tout une séparation de nature entre l'effort scientifique que fait l'historien, l'ethnologue, le sociologue ou l'économiste, et ce que fait par exemple le philosophe. Enfin, nous travaillons à être vérifiables ou falsifiables. Oui, la philosophie n'est pas une science, ça c'est sans doute certain, mais est-ce que la sociologie est une science? C'est ça la question. Ça, c'était une archive de Pierre Bourdieu du 1er février 1988 sur France Culture. On a entendu le texte de Max Weber, puis l'extrait de Bourdieu, Gérald Bronner. Est-ce que c'est un des points d'achoppement, un des points de désaccord justement sur le statut scientifique ou non de la sociologie? On a un point d'accord d'abord, je pense que la sociologie a une vocation scientifique, son statut scientifique dépend de ce qu'elle produit, n'est-ce pas? Et donc elle ne produit pas toujours de la science, mais elle en produit aussi beaucoup. Mmh. Et c'est ça la difficulté, un des sujets de notre livre Le danger sociologique était de nous interroger sur la façon de sélectionner les idées sur le marché des idées sociologiques. Était-ce bien la même façon qu'on pouvait observer par exemple, ailleurs. Vous avez vu, par exemple, que The Lancet, pendant au moment du confinement, a publié un article qui était beaucoup critiqué, qui l'a retiré très, très, très facilement. Alors, évidemment, on peut trouver ça très inquiétant. Moi, je trouve ça très rassurant. Au contraire, ça prouve que la science, la vraie science, elle a une capacité de s'auto-réformer. Le texte de Weber que vous avez lu est un grand classique. Et évidemment, je me sens très proche de cette position, qui est une position de bon sens. Alors, j'indique simplement qu'il est traduit sous le terme neutralité axiologique dans le texte. En réalité, la traduction date un peu. C'est celle de Julien Freund, si je ne m'abuse. En réalité, il faudrait plutôt parler de liberté par rapport aux valeurs. C'est ça que voulait dire Weber. C'est-à-dire que Weber, on le voit bien dans le texte, n'est pas du tout naïf, je ne suis pas plus que lui, comme en lettres d'ailleurs, en croyant que l'objectivité absolue est possible. Ce serait de l'objectivisme. Et d'ailleurs, il faut ne pas avoir lu les essais sur la théorie de la science pour croire cela. Je combats moi-même cet objectivisme naïf pour une raison simple. Weber ne cesse de l'écrire. Le réel, dit-il, c'est une formule de Weber, il est infini en intention et en extension. Or, notre connaissance est finie. Donc, tout processus de connaissance est forcément une amputation de la réalité. Vous savez bien que, par ailleurs, Weber est un néo-kantien, justement, et qui reprend un certain nombre d'éléments du fait que la connaissance implique le sujet connaissant. Et il le sait évidemment très bien. Ce qu'il veut dire simplement, ce n'est pas un relativiste, Weber. C'est-à-dire qu'il dit qu'à la limite, l'objectivité est une forme d'asymptote inatteignable. Et si vous êtes obsédé par cette objectivité, vous pensez que dans le fond, aucun discours est supérieur à un autre, puisque rien n'est objectif. Et donc tout est relatif dans ce cas. Donc tout est relatif. En fait, ceux qui sont obsédés par l'objectivisme, ce sont les relativistes, c'est pas du tout Weber. Weber, lui, regardait de là où il était parti, c'est-à-dire qu'il pensait que par les efforts de la méthode, on peut s'éloigner de la pure subjectivité. C'est même à ça que sert la méthode. Il savait que l'horizon, donc l'objectivité absolue, n'était pas possible. Mais la meilleure façon de se contaminer, la première voie, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, de la contamination du process de connaissance, c'est de laisser son désir contaminer son croire. Donc c'est pas parce qu'on ne peut pas prétendre à l'objectivité totale qu'il faut renoncer à tout élan d'objectivité, c'est ça ? Absolument, absolument. C'est tout simplement, c'est ce que vise la méthode scientifique, n'est-ce pas ? La méthode scientifique, pour moi, elle vise à proposer des modèles qui sont classés du point de vue de leur probabilité de vérité. Et non pas d'atteindre en soi la vérité. Je donne souvent cet exemple. Par exemple, la Terre est plus ronde que plate. On peut faire un classement. Mais elle n'est pas ronde. Elle n'est pas absolument sphérique. Parce que si vous cherchez un modèle mathématique pour la décrire, vous mettrez un temps infini. Micron par micron, infractuosité par infractuosité. Vous comprenez bien que l'objectif absolu d'avoir un modèle mathématique qui décrirait exhaustivement la forme de la Terre est un objectif inatteignable. Mais ce serait quand même absurde d'en déduire que du coup, la Terre est aussi bien plate que ronde. Ça c'est pas possible. Et effectivement, c'était la position qu'a défendu Weber. Je crois que le problème dans le cas de ceux, je pense par exemple à quelqu'un comme Frédéric Lordon qui se réclame aussi de Bourdieu. Frédéric Lordon, lui déclare que dans le fond, moi je suis un grand naïf pour lui, il y a même des termes un peu moins sympathiques. et donc, là il n'a pas bien compris notre position en réalité parce qu'il n'a pas lu, je pense non plus. Et donc en fait, il croit que je pense qu'on peut être des anges comme ça dans le ciel et que moi-même je prétendrais ne pas être traversé de croyances. Pourtant je n'arrête pas de le dire que je suis traversé de croyances, de biais cognitifs, etc. Mais alors du coup, il dit, mieux vaut savoir d'où on parle, n'est-ce pas ? Mais alors, bien sûr qu'il faut un peu savoir d'où on parle, mais il faut savoir d'où on parle pour s'en écarter le plus possible. Parce que le fait de savoir d'où on parle, si ça donne une légitimité à la pure subjectivité politique, c'est pas très bon. Et c'est ce que j'observe dans certains cas, malgré tout. C'est-à-dire que je vois un certain nombre de textes de collègues qui sont très robustes d'un point de vue méthodologique et qui suscitent tout de même l'indignation morale avec des arguments, parce qu'on peut toujours critiquer par une enquête quantitative, il y a toujours des sortes de choses sur l'échantillonnage. Je pense par exemple, pour être très clair, au livre publié sous la direction de Anne Muxel et d'Olivier Galland, n'est-ce pas, sur la tentation radicale, grosse enquête sur 7000 lycéens, absolument passionnante, qui nous a appris qu'en effet, la variable religieuse était prédictive d'un certain nombre, disons, d'endossements ou d'acceptation de l'idée de violence. C'est quand même à la fois préoccupant et une vraie information sociologique, avec des calculs de régression multivariés, n'est-ce pas. Donc on est là sur du modèle, et j'ai constaté évidemment qu'à la fois dans la presse ou sur les réseaux sociaux, parce que ça devient maintenant un objet d'observation de ce danger sociologique, il y avait plus qu'une répugnance. violence, c'est-à-dire une attaque en règle du livre ou de ce genre de proposition. Je pourrais vous en donner plein d'autres exemples. Hein, l'enquête sur le conspirationnisme, par exemple, de la Fondation Jean Jaurès Conspiracy Watch, qui a bien des défauts. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons critiqué et aidé à améliorer un tout petit peu en insérant des échelles de Likert, etc., dans le questionnaire. Mais enfin, année après année, puisqu'elle se fait tous les ans, on a à peu près les mêmes résultats. Et le problème, c'est que ça ne convient pas à une certaine partie de la sociologie, parce que ces résultats, entre autres, montrent qu'il y a une certaine disposition conspirationniste au Rassemblement National, ça leur irait très bien, et à la France Insoumise. Ça leur va beaucoup moins mais bien. Mais c'est ça, au fond, le problème, il est politique, il est idéologique, il n'est pas sociologique, ce ne sont pas des affaires de méthode. Tout ce que vous êtes en train de dire, ça montre bien que, finalement, ça coince quand il y a certaines critiques ne sont pas reçues par certaines personnes, parce que ces critiques, plutôt que d'être vues comme étant le garant d'une forme de scientificité qu'ils appellent de leur vœu, est au contraire vécu comme une attaque quasiment politique ou idéologique, au fond. Mais ils se sentent, et je le comprends bien, moi je travaille sur les croyants, hein, donc ça, c'est, là je suis complètement dans mon domaine, ils se sentent atteints dans leur identité. Et moi j'ai pas envie de les humilier, c'est pas la question, quoi. Mais je pense que normalement, dans un marché des idées qui sélectionne de façon scientifique ses idées, ce type de processus ne peut pas avoir lieu. Mais on pourrait vous objecter la même chose, les critiques qui vous sont faites, vous les prenez peut-être personnellement. Mais certainement, mais alors faudrait qu'on me montre exactement à quel moment j'ai refusé l'état de la science, par exemple, je peux me tromper, hein, je me suis déjà trompé, j'ai jamais écrit des bêtises, ça ne me pose absolument aucun problème, ce serait quand même très étonnant le contraire, mais qu'on me montre à ce moment-là quand est-ce que j'ai refusé d'admettre des données statistiques robustes avec un appareil statistique comme la régression multivariée, je le disais, de notre ami Galland-Muxel, qu'on me le dise, et à ce moment-là, j'espère que j'aurai la plasticité de dire, oui, je me suis trompé, parce que bien sûr que je suis porteur de compulsions idéologiques sans m'en apercevoir, mais j'ai l'impression que, justement, les chercheurs, comme nous, on va dire, nous sommes beaucoup plus disposés à l'imprévu, à être surpris. C'est-à-dire que je le vois simplement dans mon laboratoire. Sans renoncer à la dimension scientifique qu'il a. Mais c'est même un bon signe. C'est-à-dire que malheureusement, les données ne veulent pas vous donner ce que vous attendez d'elles. Mais donc on est obligé de parler de la personne au fond. Même quand vous parliez des invariants mentaux, vous parliez du fait comment ne pas voir que, ne pas perdre de vue que malgré le déterminisme dont nous faisons tous l'objet, il y a quand même une raison pour laquelle nous sommes déterminés par telle cause plus que par telle autre. Donc on est obligé de parler de l'individu, donc de la personnalité. Donc c'est normal aussi que ces critiques soient personnelles dans un sens comme ça. Ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'en effet, l'acteur social, je l'ai écrit, est l'unité conceptuelle et l'entité conceptuelle adéquate pour faire de la science sociale. C'est-à-dire l'acteur social, c'est-à-dire socialisé, c'est pas un acteur éthéré, en interaction avec de très nombreux acteurs sociaux, ce qui donne lieu à des approches, par exemple, avec des modèles multi-agents, et y compris ce que l'on fait aussi, hein, des analyses statistiques en regardant les variables sociales. Mais cet acteur social est une entité conceptuelle. Et si vous voulez, pour moi, elle est seulement gnoséologique. Seulement, effectivement, une des critiques que l'on peut adresser, c'est que le simple fait de choisir pour des raisons ontologiques l'acteur social, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'entité nécessaire pour expliquer les phénomènes sociaux et qui n'est pas superflu. Et dans l'état actuel de la connaissance, parce qu'on ne peut pas encore descendre à un niveau infra-individuel, c'est-à-dire expliquer les croyances religieuses en se référant aux neurosciences, c'est absurde, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout capable, c'est un saut épistémique qu'on est de très loin pas capable de faire, peut-être qu'un jour on le fera. Et à ce moment-là, il faudra faire du réductionnisme, en effet, et pratiquer, pourquoi pas, de la neuroscience, etc., de la neurosociologie. Mais c'est pas du tout, contrairement à ce que certains disent, c'est pas du tout mon objectif. Je serais pas compétent pour ça, puis je crois que c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est impossible. Donc, dans tous les modèles intellectuels qui existent, je considère que celui de la sociologie analytique, c'est-à-dire qui considère que les phénomènes sociaux sont des phénomènes émergents, produits par des actions et des interactions d'individus socialisés ultra complexes, sont les modèles les plus prometteurs parce que les plus dépourvus d'entités métaphysiques. Et dans le fond, toute l'histoire de la connaissance, hein, depuis le isagogé de Porphyre, si vous voulez, qui discute des catégories aristotéliciennes, et à partir de là, on voit bien qu'un certain nombre de débats, ce qu'on appelle la querelle des universaux, va inaugurer une grande partie de l'histoire des idées, et toutes les sciences, à ma connaissance, se sont ancrées sur le nominalisme. N'est-ce pas ? Et se sont débarrassés de toutes les entités conceptuelles superflues. En biologie, c'est particulièrement vrai. Et j'ai l'impression, je le crois même, qu'en sociologie, ce n'est pas tout à fait le cas. On n'en est pas loin. Il suffit d'accepter de dialoguer. Oui, ça ne remet pas en question les engagements politiques des uns, des autres. On a le droit de s'indigner pour l'égalité, on a le droit de lutter contre l'égalité. On a même sans doute raison de le faire, ce n'est pas la question. C'est qu'il faut être attentif au risque de contamination du croire et du connaître par le désir. C'est un des pires risques qui pèsent sur l'esprit. On est tous comme ça. C'est-à-dire prendre nos désirs pour des réalités tout simplement. Et ça va conduire à faire quoi en science? À aller faire du cherry picking, aller chercher des données qui vont dans le sens de nos attentes, dans les entretiens, prendre des petits morceaux d'entretien, on va pas faire d'analyse quantitative des entretiens, pour trouver des illustrations, etc., etc. Ça n'aura pas beaucoup de valeur scientifique. Et d'ailleurs, il y a une certaine littérature sociologique qui aboutit toujours aux mêmes conclusions. Donc on a l'impression qu'il y a la part de l'imprévu, pour le coup, la part de la découverte faite par hasard, ce à quoi on ne s'attendait pas, ce qui nous contrarie intellectuellement. Moi, j'ai déjà vécu souvent cette contrariété intellectuelle. Par exemple, quand je vous ai dit tout à l'heure que les conspirationnistes, statistiquement, sont maintenant plutôt dénombrables parmi ceux qui ont un niveau d'études plus faible que la moyenne, eh ben, ça a contrarié l'hypothèse que j'avais. D'ailleurs, je l'ai même écrite, cette hypothèse inverse. Je me suis trompé. Je pensais que le conspirationniste, en raison de la subtilité des arguments qui étaient impliqués, quand on n'avait pas encore beaucoup de données sur cette question, peut-être que ça allait en effet recruter des individus avec un niveau d'études supérieur à leur moyenne nationale. Et ben voilà, c'est pas le cas. C'est surprenant. Et c'est comme ça, c'est pour ça que c'est passionnant de faire de la science. Mais est-ce que le problème n'est pas intrinsèque à la méthode sociologique elle-même? Et là, on vient de faire une semaine sur Bourdieu, où Bourdieu s'en prend beaucoup à la philosophie, il explique pourquoi il a voulu dépasser la philosophie. Dans l'extrait qu'on a entendu juste avant, il le dit bien, il dit le problème de la philosophie, c'est que c'est ni vérifiable, ni falsifiable, donc finalement ça ne peut pas prétendre au rang de science, que la philosophie, dans la majorité des cas, ne prétend pas faire d'ailleurs. Mais donc est-ce que le problème n'est pas dans la méthode sociologique, quand celle-ci voudrait être exhaustif, dire le fin mot de tout sur ce qui est? Au fond, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait différentes méthodes sociologiques qui soient complémentaires. Peut-être que la violence qui émane de la réception et de la formulation des critiques dans l'univers sociologique aujourd'hui vient aussi de la volonté de, alors peut-être pas de dire le fin mot de sur tout ce qui est, mais d'une sorte de volonté totalitaire quasiment. C'est j'ai raison et l'autre a tort. C'est comme si c'était une espèce de conflit presque de, on peut pas être deux à avoir raison puisque ce qu'on dit, eh ben, on prétend dire être dans le vrai par rapport à ce qu'on dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si le champ était trop large au fond. Oui, mais vous voyez bien que cette position, cette intolérance épistémique que je mentionnais tout à l'heure, elle est plutôt le fait de la radicalité politique. C'est-à-dire une fois que vous avez endossé une radicalité politique, vous cherchez une forme de pureté. Ah voilà, donc c'est plus politique que sociologique alors. C'est plus un problème d'idéologie. Mais moi, je pense pas que ça soit ça la sociologie. Je pense qu'on fait pas de sociologie quand on fait ça, tout simplement quoi. On peut pas non plus faire de la sociologie en étant politiquement complètement neutre. Non, vous l'avez dit, il n'y a pas d'objectif. Moi, j'ai des convictions politiques, mais je mets au défi beaucoup d'ailleurs de les deviner. Je n'en fais pas la publicité. Peut-être qu'un jour, j'en ferai la publicité. Ça me posera des problèmes très particuliers. En tant qu'éditorialiste, ça, c'est pas du tout de la sociologie, mais il m'arrive d'approuver certaines décisions gouvernementales et d'autres fois de les critiquer de façon très virulente. On peut aller vérifier. Je veux dire, j'essaye de garder ma liberté de penser. C'est ce qui est le plus. Enfin, c'est ce qui est le plus précieux, je trouve, par un intellectuel. Alors, faut pas s'inféoder, évidemment, au pouvoir politique, au gouvernement, mais faut pas s'inféoder non plus à un récit idéologique qui nous empêche de rencontrer l'imprévu. Parce que c'est ça, la beauté de notre exercice. Quant à la philosophie et la science, je pense que la sociologie utilise les méthodes habituelles de la science, c'est-à-dire qu'elle essaye de se mouler, notamment en convoquant le régime efficient de la causalité. Le seul malentendu, et c'est pas un vieux débat des années 70, comme j'entends parler, c'est de savoir si, parce qu'on traite des hommes, parce qu'on traite la question des êtres humains qui sont, ils disposent d'un appareil cognitif, notre système nerveux, qui est l'objet le plus complexe de l'univers connu, 1 million de milliards de connexions, c'est l'objet le plus complexe de tout l'univers connu dans une petite boîte crânienne. C'est quand même incroyable de passer outre l'existence de cet objet quand on veut expliquer la vie des hommes, au prétexte qu'on trouve des corrélats qui sont bien réels entre des variables sociales. Donc on fait la pourquoi Auguste Comte disait, à juste titre, je ne vais pas souvent donner raison à Auguste Comte, mais il disait à juste titre que la sociologie était la science la plus complexe de toutes les sciences. Et ça, je le crois vraiment. Je crois que c'est la science la plus complexe de toutes les sciences parce que les objets sociologiques sont probablement les objets les plus multivariables qu'on puisse trouver dans l'univers connu. Parce qu'ils sont portés, entre autres, par des individus qui sont les individus les plus complexes de l'univers connu. Et donc, ce caractère multivariable peut, en raison de la complexité de ces objets, peut savonner la tentation du monocausalisme, c'est-à-dire de chercher le primum mobile, de trouver une variable qui explique tout. Ça va être la variable économique pour certains, ça va être la variable culturelle pour d'autres. Mais ça, ce sont des fausses oppositions. Quand on fait un peu de statistique, on explique la part de la variance, n'est-ce pas, avec telle ou telle variable, et il est bien rare qu'on trouve une variable qui remplisse 100%, ça n'arrive même jamais en sociologie. Donc en réalité, il est évident qu'il faut que nous allions vers des modèles mixtes. Mais le problème, c'est que lorsque l'on s'en tient seulement à une analyse corrélationnelle, c'est-à-dire fondée sur des causalités efficientes, il faut remplir les trous. C'est-à-dire que vous voyez que voilà, on a tel, par exemple, prenons Durkheim, le suicide, c'est un des premiers à avoir fait ce genre d'analyse corrélationnelle. On voit qu'on se suicide plus dans telle religion que dans telle autre. N'est-ce pas? Si on est protestant plutôt que si on est catholique. On se suicide plus dans tel moment, etc. Donc, soit vous passez le cap en essayant de reconstruire un univers mental des acteurs sociaux pour expliquer pourquoi c'est comme ça, soit vous considérez que c'est une loi. A provoque B, de l'extérieur. Les deux sont acceptables. Moi, je préfère la première version parce que je crois qu'elle va plus loin dans le modèle, elle est plus satisfaisante intellectuellement, mais j'accepte tout à fait la deuxième version, c'est-à-dire une approche nomologique de la sociologie qui cherche des lois comme on pourrait en trouver en physique. Simplement, c'est qu'on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, on en arrive à dire le pourquoi de ces lois, et comme on voit des convergences de ces lois qui favorisent souvent des catégories qu'on dit dominantes, on va inventer la théorie de la domination. Et puis on va se dire après, mais en fait, ça peut pas être une coïncidence. Alors donc, on va toujours un peu flirter avec l'intentionnalité. Mais évidemment, on va jamais mettre les pieds dans l'intentionnalité, parce que là, on serait carrément dans la théorie du complot. Quoique, si je puis me permettre, certains franchissent carrément le pas, puisque vous connaissez sans doute Monique Pinson-Charlot, n'est-ce pas? Alors Monique Pinson-Charlot. Il vous reste une minute. Hein. Alors on va terminer là-dessus, parce que je trouve que c'est relativement magnifique. Si je retrouve évidemment, le texte, Monique Pinson-Charlot, c'est quelqu'un qui évidemment se réclame de Bourdieu, qui était directrice de recherche au CNRS, et qui récemment a déclaré, lors d'une interview, l'objectif conscient et déterminé des capitalistes dont le grand chef est à l'Élysée en ce qui concerne la France, de cette classe, de cette caste, de cette mafia, de ces criminels en col blanc, on ne peut pas les appeler autrement, c'est bien d'exterminer la moitié la plus pauvre de l'humanité avec l'arme terrible qu'est le dérèglement climatique. C'est un holocauste climatique. Alors voilà, voilà à quel genre de dérive monstrueuse on peut arriver. Je sais que c'est ultra minoritaire. Je ne dis pas que la sociologie, encore une fois, c'est ça. Je dis qu'il y a une pente auquel j'invite tous mes collègues à faire vraiment très attention. Eh ben, du coup, on va inviter tous ces gens-là à ce micro pour qu'ils puissent vous répondre, Gérald Brunner. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour terminer cette semaine autour de Bourdieu. Le danger sociologique, c'est un livre coécrit avec Étienne Géhin qu'on trouve aux éditions PUF. Toute la question est de savoir si est-ce qu'on peut, d'un individu, inférer l'existence d'un monde commun. Qui est ce on? C'est la question qui avait ouvert cette émission avec Alain Souchon, se quitte avec une autre chanson. Qui est ce monde? Y a-t-il un monde que chaque addition d'individus peut constituer? On se quitte donc avec une autre chanson que voici. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, vous posez une question, comment lutter efficacement contre le fascisme? En lui reconnaissant une certaine efficacité, peut-être une efficacité dans l'ordre du spectaculaire. Le fascisme, avant d'être un mode de gouvernement, c'est aussi une esthétique. Ainsi, cette fameuse scène du balcon de Donald Trump, quand de retour de l'hôpital où il a frôlé la réanimation, il a lentement enlevé son masque et respiré à nouveau devant nous, comme un chanteur d'opéra terrifiant. Et muet, ce n'était pas mal joué, en tout cas, la chose, bizarrement, n'était pas sans beauté. Et donc vous craignez que les images qui se rattachent à l'esthétique fasciste soient encore plus puissantes que celles qui se rattachent à ce qu'on pourrait appeler l'esthétique démocratique? Cela n'a pas toujours été le cas. Leni Riefenstahl, la scénographe d'Hitler, a trouvé en face d'elle Charlie Chaplin, et je suis certain que même Hitler a vu plus souvent le dictateur que le triomphe de la volonté. Et quand j'étais enfant et que triomphaient les Star Wars, on savait que si joliment ordonnés que soient les Stormtroopers, c'était eux qui perdaient à la fin, et que si implacable, si wagnérienne que soit la marche impériale, ce n'était pas là tout l'art de John Williams, ni le dernier mot de George Lucas. Le fascisme, dans Star Wars, n'était jamais au pire que le second terme d'une trilogie qui conduisait toujours à son anéantissement. Sauf qu'à l'heure actuelle, le sentiment esthétique, c'est que cette dialectique optimiste était un peu une arnaque et que la contre-attaque de l'Empire s'éternise un peu. Quittons justement notre balcon pour aller explorer les hauteurs patriotiques du site d'Alésia. Alésia ? Qu'est-ce qu'Alésia vient faire là-dedans ? On sait au moins depuis César que la guerre des Gaules relève au moins autant de la guerre culturelle que de l'histoire militaire. Et j'ai découvert justement cette ahurissante bande-annonce pour le lancement d'un livre nommé « Éloge de la force », un livre qui pourrait figurer dans toutes les bibliothèques impériales. Son auteur prend la pose, sans rire, à côté de la statue géante de Vercingétorix. Je dis sans rire, car tout ça fait penser plus à une bande-annonce de Fort Boyard. Il est des moments de l'histoire où se jouent les destins des hommes et des nations, où les actes doivent renverser les espoirs, les doutes et les songes. Il est des moments où la liberté doit se défendre par tous les moyens. C'est le moment où les esprits libres commencent à fuir. Ce moment est arrivé. C'est le moment où la fierté se lève. Le moment où la volonté humaine peut tout changer. Alors je ne sais pas pour vous, mais à ce stade, j'ai été presque déçu de ne pas voir surgir les inconnus dans l'image. Mais ça vous fait vraiment rire ça, Aurélien ? Pas tant que ça en fait. Du balcon, j'avais plutôt l'impression qu'on était passé à la fenêtre, la fameuse fenêtre d'Overton, soit, à une lettre près, le pseudonyme de Laurent Oberton, notre Gaulois fanatisé. La fenêtre d'Overton, qui définit les limites de l'acceptabilité d'une idée dans le champ démocratique, est fasciste, classiquement, quiconque essaie d'agrandir cette fenêtre de la décence commune. Est-ce ici le projet ? Je n'en sais rien. Mais il y a cette phrase énigmatique à la fin. Bienvenue dans le champ de force. Bienvenue dans le camp des forts. Alors le paradoxe, soudain pour nous qui avons toujours cru que George Lucas avait trouvé l'antidote absolu à Leni Riefenstahl, c'est que cette phrase, toute l'histoire du XXe siècle nous dit qu'elle est fasciste, mais qu'elle a, pour s'en défendre, trois trilogies Star Wars d'avance sur nous, qui n'a jamais rêvé sous la domination impériale du retour de la force. Et donc Star Wars aurait perdu ses vertus antifascistes. Le retour de la force, c'est en tout cas le titre du premier volet de la troisième trilogie, sous le règne de laquelle nous vivons, et dans laquelle l'empereur Palpatine, qu'on avait laissé pour mort, retrouve un second souffle, tandis que le fascisme, comme lassé de sa propre esthétique, cessait au cool, au lol, au pop, pour s'infuser autrement dans nos imaginaires. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Clara de Giovanni, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé cette semaine pour vous, cette semaine bourdieusienne. Jean-Frédéric, c'était aujourd'hui à la prise de son, Hélène Lossor à la lecture des textes. On se retrouve demain pour une journée spéciale organisée par France Culture autour d'une question. Que faisons-nous du débat public ? Réseaux sociaux, culture, médias. Toute la journée, philosophes, historiens, sociologues, journalistes viendront débattre sur l'antenne. Quant à nous, nous serons en compagnie d'Alain Sagère, le spécialiste de Voltaire. On se demandera si on débattait mieux au XVIIIe siècle entre les salons et la constitution de l'espace public. Est-ce que le XVIIIe siècle était l'âge d'or du débat ? Alain Sagère vous répondra demain à 10h. D'ici là, n'hésitez pas à écouter cette émission ainsi que les autres de la chaîne France Culture, à les écouter, à les podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.